Loisel est encore de retour, à nouveau comme scénariste uniquement, dans un album qui s'appelle Le Grand Mort. Mort comme pas vivant, quoi. Mm-hmm. Et donc tout un programme. Et au dessin, on retrouve à ses côtés Vincent Maillet, dont on a, je pense... Il y a complètement marteau. Ça c'est mauvais, ça. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment mauvais. Ah là là. J'ai presque honte. Ah presque. Ouais, tu pourrais. Vincent Maillet, il a travaillé notamment sur les Aquanautes. Je ne crois pas qu'on en a parlé ici parce que c'est pas trop notre créneau, les Aquanautes. Il a travaillé sur l'Arche aussi. Il a beaucoup travaillé pour Soleil, en fait. Et il a décidé de s'acoquiner avec Régis Loisel et avec Gian. Je ne sais pas si c'est Philippe Gian, je ne trouve aucun renseignement sur ce brave garçon, sur une nouvelle série donc qui s'appelle Le Grand Mort et dont le premier tome s'appelle L'Arme d'Abeille. Alors Le Grand Mort, c'est quoi ? Eh ben, au premier abord, Le Grand Mort, c'est l'histoire de Pauline qui est partie à la campagne pour se mettre au vert, pour étudier parce qu'elle prépare sa maîtrise de sciences éco et que quand même c'est pas de la tarte. Et puis en fait, elle veut aller en Bretagne chez une amie à elle, qui lui a laissé une vieille douche près de la gare et tout ça, en lui laissant des instructions. Donc, voilà, elle sort de son train. Et en fait, sa copine lui laisse sa maison et sa voiture, ce qui est plutôt sympa. Donc, elle prend la bagnole, qui ne démarre pas, évidemment. Elle se fait aider par un type qui en profite pour se faire prendre en stop. Elle le ramène chez lui. La voiture redémarre pas, évidemment. Et là, c'est foutu parce qu'il n'y a plus d'essence. Donc, elle est obligée de passer la nuit chez le gars. Alors, on sent venir un peu l'histoire foireuse, mais non, pas du tout. Le gars, à la limite, il est plutôt emmerdé qu'elle soit là, la Pauline. Donc, il va la laisser dormir sur le divan, puis lui, il va dans son lit, et puis il faut pas l'ennuyer. A priori, histoire assez banale. Et puis, le lendemain, notre ami qui s'appelle Erwan, avec un W, Erwan. Erwan, on dit Erwan ? Erwan, plutôt. Erwan, hein, pas Erwan. Erwan, c'est un petit peu nordique, ça. Erwan, donc, décide de l'emmener avec lui, puisqu'il va retrouver apparemment un vieux sage des environs. On est dans la Bretagne, hein, donc déjà, ça commence à titiller un tout petit peu le fantastique, hein, le vieux druide, la mamachin qui... Bon, bref, Pauline apparemment très terre-à-terre, hein, la Pauline ne croit absolument pas à tout ça, mais bon, bref, elle va elle va trouver le vieux sage. Et puis, à la suite d'une espèce d'histoire un peu confuse où elle perd ses lunettes au cours d'une expérience un peu magique, tout ça, et ben elle se retrouve coincée aux côtés d'Erwan dans un monde totalement parallèle et étranger au nôtre. Alors, parallèle ou perpendiculaire ? Parce que c'est pas la même chose. Non, parallèle. Oui, ok. non, parallèle et un espèce de monde magique. En fait, on y pénètre en se mettant des gouttes dans les yeux. Ça a l'air bizarre, hein. On a un côté d'un menhir et puis on se met des gouttes dans les yeux, puis pouf, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça qu'ils le disent. Elle se rend compte que de l'autre côté, Erwan a une mission qui va aider à transmettre un savoir. On n'en sait pas beaucoup plus dans ce premier tome, mais ça a l'air d'être un univers assez complexe avec des êtres très bizarres, bleus, qui font un peu penser aux extraterrestres. Pourquoi tu dis il va devenir bleu avec bleu. Une culotte blanche et un bonnet blanc. Mais non. Des champignons. Ah, oh, c'est pas vrai. Non. Il ressemble un petit peu au maître du temps. Ah, au maître du temps, ah oui. Tu vois ? J'ai lu que t'allais dire les Vinéas dans Yokotsuno. Mais non. Ah non, pas du tout, parce qu'ils sont pas humains. Ils sont clairement pas humains. Ils ont pas de nez, ils ont des yeux sans pupille. Ils ont l'air d'être faits un peu en chiffon. Un peu comme les extraterrestres des maîtres du temps, je trouve. D'accord. Comme les deux petits là, je sais plus comment ils s'appellent. Je sais plus non plus. Ah ben ça ne va pas. Tu vas le regarder en rentrant chez toi ce soir. Oh. Donc, Pauline et Erwan est coincé là-bas, il le souhaitait. Pauline est coincée là-bas, elle suivait Erwan, mais un peu malgré elle. En fait, elle avait perdu ses lunettes, donc elle voulait retourner là-bas, la conne. Et puis, il se trouve coincé pour 10 ans. Ah oui, voilà. Et donc, ils vont devoir progresser dans leur quête, côte à côte. Alors, c'est évidemment une histoire fantastique. En même temps, c'est une histoire qui est assez pince sans rire, dans le sens où, par exemple, il y a une scène qui fait un peu référence à Jurassic Park, le coup des hautes herbes dans Jurassic Park. Tu vois, on avance dans les hautes herbes, mais ça se rapproche, tu vois. Et puis on commence à courir dans les hautes herbes et tout ça. Il y a une référence à ça. Genre, Pauline doit traverser avec son petit guide parce qu'elle va à la poursuite d'Erwan. En fait, elle a un petit peu de retard. Donc elle traverse un champ de hautes herbes rouges. Et donc le petit bonhomme qui lui sert de guide monte sur ses épaules. Et elle avance dans les hautes herbes. Elle voit rien. Et puis elle dit, ouais, mais ça craint rien là, ça va aller. Non, non, vas-y, avance tout droit. Elle fait, ah bon, non, parce que bon, chez nous, on a un film, Jurassic Park, tout ça. Oh, oh, oh. Et elle avance, et puis elle arrive à la fin, elle fait, ah super, elle monte sur le bord. Et à ce moment-là, on a un plan un peu aérien comme ça, où on voit de nombreuses lignes qui se dirigent en zigzag vers elle, et qui étaient sur le point de la rejoindre. Donc l'air de rien, on a eu chaud. Il y a plein de petits jeux graphiques comme ça. Alors le graphisme n'est pas du tout un graphisme à la Loisel, un peu échevelé, super inventif comme ça, mais par contre très cohérent et vraiment fantasy, donc avec des trouvailles, avec presque de la ligne claire. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont... Ça fait un peu penser dans le graphisme à Jérôme K. Jérôme Bloch. Ah oui. Si tu vois. Donc des personnages pas tout à fait réalistes, mais dans un univers qui, lui, l'est tout à fait, et tout à fait cohérent, en tout cas graphiquement. Donc c'est vraiment très très beau. Et alors, le récit est absolument intriguant, parce que alors ça fait combien? Ça fait 64 planches. En 64 planches, on a juste le début d'une histoire qu'on imagine assez époustouflante. Pourtant, on nous en dit pas grand-chose, mais l'univers qui est évoqué derrière a vraiment la puissance narrative d'un Loisel. On reconnaît très clairement sa patte là derrière. Il y a quelque chose qui est cohérent, qui est vaste, qui est complexe, et dont on imagine bien qu'il faudra 4 ou 5 tomes avant de rentrer carrément dedans. Donc, premier tome, évidemment, comme souvent les premiers tomes d'une saga, un peu pour faire connaissance, mise en place des personnages, mise en place de l'univers, c'est extrêmement prometteur. Et vraiment, sur 64 planches, on s'ennuie absolument pas une seconde. Les graphismes, la mise en couleur est absolument magnifique, et vraiment de toute beauté. Donc je pense que pour un début de nouvelle série, je pense que c'était difficile d'imaginer mieux, et là, ça nous met l'eau à la bouche. Donc on imagine bien que Loisel ne va pas rester là-dessus et qu'il va un peu se tenir à son rythme de travail, hein, le garçon. Oh, hein? Parce que, hein, c'est fini de fainéanter maintenant. Hein? Faut sortir des albums ici. Je pense que sur le site officiel de l'éditeur dont le nom m'échappe... Vendouest, il y a moyen de voir les premières planches de la BD. Ah oui, mais de toute façon, il y a... Quasiment une petite dizaine de planches, il me semble. Mm-mm. Sur oui. Lesquels on peut zoomer et donc c'est très se possible. Faire une idée assez précise. Mais évidemment, au début, on est plus dans un registre réaliste. Oui, mais en même temps, le registre graphique reste tout à fait constant dans tout l'album, puisque c'est une des forces de l'album de décrire cet univers fantaisiste d'une manière réaliste, justement. Puisque ce qui fait la force du truc, c'est que ce passage d'un monde à l'autre, finalement, ressort ô combien éculé des récits fantastiques, et vécu d'une manière tout à fait naturelle par Pauline, qui est une fille, après tout, assez incrédule. Il y a même des petits clins d'œil du style, il fait beau, donc ils doivent aller à pied jusque chez le grand maître machin brol. Donc elle met une petite robe légère, toute blanche, qui fait évidemment penser en 3 secondes à Alice au Pays des Merveilles, qui va passer à travers le miroir, et bon, voilà. Et ça fonctionne! Ça fonctionne parce que c'est sur un personnage qui elle-même n'y croit pas, hein, et qui fait, ouais, et ça va, quoi. En fait, non. Finalement, elle se retrouve coincée dans un truc qui la dépasse un petit peu et tout. Donc, c'est plein d'humour. C'est vraiment bien foutu. C'est absolument pas stéréotypé. Par exemple, Erwan, le garçon là-bas, ouais, c'est plutôt un beau mec, un métis. Mais enfin, en même temps, il faudrait qu'il arrête un peu de manger des pâtisseries parce que l'air de rien, il a des bonnes poignées d'amour. Donc, quand il enlève son t-shirt, bon, à un moment donné, Pauline fait, ouais, il est pas mal, mais enfin, bon. Voilà, pas exagéré quoi. Et c'est plein de petits clins d'œil comme ça, c'est très léger, c'est super agréable à suivre. Donc si vous aimez un peu ce genre de récit, vraiment là n'hésitez pas. C'est donc paru chez Vent d'Ouest. Petit reproche à faire à cette BD, je trouve que la BD est chère en général. Celle-ci n'échappe pas malheureusement à la règle, puisque c'est presque 15€. Bon, pour une BD de 64 planches, d'accord, donc c'est pas honteux. C'est pas non plus un petit format du style les BD Dupuis pour enfants. C'est pas un petit Spirou, quoi. C'est un petit peu plus grand format. C'est très bien imprimé, tout ce qu'on veut. Enfin, bon, 15€, quoi. Les fêtes approchent. Oui, les fêtes approchent, de toute façon. Donc mettez-le sur vos listes. 15€, ça va pour un cadeau de Noël. C'est correct. Voilà. C'est correct. C'est correct.